pieces à nez, qu'est-ce qu'on retient? Des pas traînés sur un chemin, un livre oublié dans un recoin, et quelques baisers volés pour rien. Et ce jusqu'où je... Quel voyage, dans quel songe, avec ce petit foulard rouge. Après tout ça, à quoi on tient? De ma main, tellement de choses, de tout et de rien. Et ce petit foulard rouge, vestige où je me plonge, quand le désir me rend. Je vais et je viens dans la torpeur humide du matin. Mais d'où me vient ce doux parfum, mélange de rose et de jasmin?